Version de la femme. Qu'est-ce qu'il a? De quoi m'en veut-il? Je n'y comprends rien. J'ai pourtant tout fait pour le rendre heureux. Mon Dieu. Je ne dis pas qu'au lieu d'un poète, je n'aurais pas mieux aimé épouser un notaire, un avoué, quelque chose de plus posé, de moins en l'air comme profession. Mais enfin, tel qu'il était, il me plaisait. Je le trouvais un peu exalté, mais gentil tout de même, bien élevé. Puis il avait quelque fortune. Et je pensais qu'une fois marié, sa poésie ne l'empêcherait pas de chercher une bonne place, ce qui nous mettrait tout à fait à l'aise. Lui aussi, dans ce temps-là, me trouvait à son idée. Quand il venait me voir chez ma tante, à la campagne, il n'avait pas assez de paroles pour admirer l'ordre et l'arrangement de notre petit logis, tenu comme un couvent. « C'est amusant, » disait-il. Il riait, m'appelait de toutes sortes de noms pris dans des poèmes, des romans qu'il avait lus. Cela me choquait un peu, je l'avoue, je l'aurais voulu plus sérieux. Mais ce n'est que quand nous avons été mariés, installés à Paris, que j'ai senti la différence de nos deux natures. Moi qui rêvais un petit intérieur bien tenu, clair et propre, je l'ai vu tout de suite encombrer notre appartement de meubles inutiles, passés de mode, perdus de poussière, avec des tapisseries fanées et si anciennes. Pour tout, ça a été la même chose. Concevez-vous qu'il m'a fait mettre au grenier une très jolie pendule empire qui me venait de ma tante, et des tableaux magnifiquement encadrés, donnés par des amis de pension. Il trouvait tout cela hideux. J'en suis encore à me demander pourquoi, car enfin son cabinet de travail était un ramassis de vieilles toiles enfumées, de statuettes que j'avais honte de regarder, d'antiques haillés bréchés, bonariens, des chandeliers pleins de verre de gris, des vases au fuyello, des tasses dépareillées. À côté de mon beau piano en palissandre, il en avait mis un petit, tout vilain, tout écaillé, où manquait la moitié des notes, et si usé qu'on l'entendait à peine. À part moi, je commençais à me dire « Ah ça, mais un artiste, c'est donc un peu fou. Il n'aime que les choses inutiles, il méprise tout ce qui peut servir. » Quand je vis ses amis, le monde qu'il recevait, ce fut bien pire. Des gens en cheveux longs, à grande barbe, mal peignés, mal habillés, qui ne se gênaient pas pour fumer devant moi et me faisaient mal à entendre, tellement toutes leurs idées se trouvaient à l'envers des miennes. C'était de grands mots, de grandes phrases, rien de naturel, rien de simple. Avec cela, pas la moindre notion des convenances. Vous pouviez les avoir dînés 20 fois de suite, jamais une visite, jamais une politesse, pas même une carte, un bonbon au jour de l'an, rien. Quelques-uns de ces messieurs étaient mariés et nous amenaient leurs femmes. Il fallait voir le genre de ces personnes-là. À tous les jours, des toilettes superbes, comme je n'en porterai jamais, Dieu merci, et si mal arrangées, sans ordre ni méthode, des cheveux bouffants, des jupes traînantes, puis des talents qu'elles montraient effrontément. Il y en avait qui chantaient comme des actrices, jouaient au piano comme des professeurs, toutes bavardaient de tout comme des hommes. Est-ce raisonnable, je vous le demande? Est-ce que des femmes sérieuses, une fois mariées, doivent penser autre chose qu'aux soins de l'intérieur? C'est ce que j'essayais de faire comprendre à mon mari, qui était peiné de me voir abandonner la musique. La musique, c'est bon quand on est petite fille et qu'on n'a rien de mieux à faire, mais franchement, je me serais trouvé ridicule à me mettre tous les jours devant un piano. Oh, je le sais bien. Son grand grief contre moi, c'est que j'ai voulu l'arracher à cet étrange milieu si dangereux pour lui. « Vous avez éloigné tous mes amis, » me reproche-t-il souvent. « Oui, je l'ai fait, et je ne m'en repens pas. Ces gens-là auraient fini par me le rendre fou. » Quelquefois, en les quittant, il passait la nuit à rimailler, à se promener de long en large en parlant haut, comme s'il n'était pas déjà assez bizarre, assez original par lui-même, sans qu'on vînt encore l'exciter. En ai-je supporté des caprices, des lubies? Tout à coup, le matin, il arrivait dans ma chambre. « Vite, ton chapeau, nous allons à la campagne. » Il fallait tout laisser là, la couture, le ménage, prendre des voitures, des chemins de fer, dépenser un argent. Et moi qui ne songeais qu'à économiser, car enfin, ce n'est pas avec 15 000 francs de rente qu'on est riche à Paris et qu'on fait un avoir à ses enfants. Dans le commencement, il riait de mes observations, tâchait de me faire rire. Puis, quand il a vu ma ferme intention de rester sérieuse, il m'en a voulu de ma simplicité, de mes goûts d'intérieur. Est-ce ma faute à moi si je déteste le théâtre, les concerts, toutes ces soirées artistiques où il voulait m'entraîner et où il retrouvait ses connaissances d'autrefois, un tas d'écervelés, de bohèmes, de dissipateurs? À un moment, j'avais cru qu'il deviendrait plus raisonnable. J'étais parvenu à le sortir de son vilain monde, à nous faire un entourage de gens sensés, bien posés, à lui créer des relations utiles. Eh bien non, monsieur s'ennuyait. Il s'ennuyait du matin au soir, à nos petites soirées où j'installais pourtant un whist, un thé, tout ce qu'il fallait. Il apportait une figure, une humeur. Quand nous étions seuls, la même chose. Pourtant, j'étais pleine d'attention. Je lui disais « Lis-moi un peu ce que tu fais. » Il me récitait des vers, des tirades. Je n'y comprenais rien, mais j'avais l'air de m'y intéresser. Et par-ci, par-là, je faisais au hasard une petite remarque qui, du reste, avait le don de l'agacer toujours. En un an, en travaillant jour et nuit, il n'a pu faire de toutes ses rimes qu'un seul livre qui ne s'est pas vendu du tout. Je lui dis « Tu vois bien ?» Par raison, pour l'amener à quelque chose de mieux compris, de plus productif, il a eu une colère épouvantable et depuis une tristesse perpétuelle qui me rendait très malheureuse. Mes amis me conseillaient de leur mieux. « Voyez-vous, ma chère, c'est l'ennui, la mauvaise humeur d'un homme inoccupé. S'il travaillait un peu plus, il ne serait pas aussi sombre. » Alors je me suis mis en quête, et tout le monde autour de moi, pour lui chercher une place. J'ai remué ciel et terre. J'ai fait je ne sais combien de visites à des femmes de secrétaires généraux, de chefs de division. Je suis allé jusqu'au cabinet du ministre, tout cela sans l'avertir. C'était une surprise que je lui réservais. Nous verrons bien s'il sera content cette fois. Enfin, le jour où j'ai reçu sa nomination, une belle enveloppe à 5 cachets, je suis allé la porter sur sa table folle de joie. C'était l'avenir assuré, l'aisance, le calme du travail, le contentement de soi. Savez-vous ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit qu'il ne me pardonnerait jamais. Après quoi, il a déchiré la lettre du ministre en 1000 morceaux et il s'est sauvé en battant les portes. Oh, ces artistes, ces pauvres têtes détraquées qui prennent la vie à rebours ! Que devenir avec un homme pareil ? J'aurais voulu lui parler, le raisonner, mais non, on me l'avait bien dit, c'est un fou. À quoi bon lui parler d'ailleurs ? Nous n'avons pas la même langue. Il ne me comprendrait pas, pas plus que je ne le comprends. Et maintenant, nous sommes là, tous les deux, à nous regarder. Je sens de la haine dans ses yeux, et pourtant j'ai de l'affection pour lui. C'est bien pénible. Ainsi s'achève un malentendu par Alphonse Daudet.